Voyager dans les années 80 avec Classique 80 sur Nostalgie. Ah, alors ça c'est trop. J'ai l'impression que c'était hier. Nostalgie. N'avait rien à faire, ok. Dans cette vie étrangère, ok. Tu étais solitaire, ok. J'avais le cœur à l'envers, ok. Tout ça n'était qu'un jeu, ok. On jouait avec le feu, ok. C'est pris au sérieux, ok. Magique sur Nostalgie, vous restez là car si vous êtes avec nous dans quelques minutes, on va explorer l'année 1985. Il y a quelques tubes qu'on écoutait qui étaient quand même extraordinaires, qu'on rediffuse bien sûr dans cette émission Classique 80 et qu'on va se remémorer dans quelques instants. Avant cela, Cyndi Lauper et Jean-Jacques Goldman. 6h-9h, Happy Days sur Nostalgie avec Olivier Paz. Ma Robert, est-ce que tu es prêt? Oui, c'est français, attention, on y va, écoutez bien. La la la la, la la la la. Jennifer. La Nicaouette. C'est quoi qui vous a aidé? La chanson de Roberta ou les cœurs? Et demain, dans Happy Days, je recevrai Gilles Verlan, animateur, écrivain, qui viendra nous parler de l'événement I Have a Dream, qui aura lieu sur la chaîne Vivolta. Happy Days, 6h-9h, du lundi au vendredi, sur Nostalgie. Loto, la chance appartient à tout le monde, bonjour. Est-ce que Gérard Abada peut gagner les 7 millions de ce samedi? Je ne le connais pas, mais oui, bien sûr. Très bien, bah je note. Alors Martina Baga, elle peut gagner aussi? Oui, tout. Nostalgie. Jean-Jacques Goldman sur Nostalgie en 1985, mes enfants. Attention. Que se passait-il en 1985? Qu'écoutions-nous? Je ne sais pas si ça se dit, si ça doit se dire. Si, si, c'est bien, si, c'est si, français. Si, si. Qu'est-ce qu'on écoutait? C'est voilà. Plus simple, en 1985 sur les radios françaises. Tiens, il y avait ça par exemple. Oh, qu'est-ce que c'était bien ça? Al Corley. Cold Races. Il a fait Square Rooms aussi. Faudrait qu'on rediffuse ça. C'est bien. Il y avait aussi. Nuit brésilienne en plein Paris. C'était la folie. Les étoiles du ciel se mélangent aux lumières. Un peu de sable brésilien sur les quais parisiens. Christophe Laurent. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin. On est bien. Ça, évidemment. 1985, Phil Collins. Et puis en 1986, cette fois-ci, un an plus tard, Cyndi Lauper arrive. Et ça, c'est un carton international. La chanson s'appelle True Colors. Et on vous la propose ce soir dans Classic 80 sur Nostalgie. You with the same. Salut, c'est Murtoff. Vous savez, les enfants, Ils disent que je devrais pas danser comme ça tout seul dans ma voiture de patrouille, mais avec Classique 80 sur Nostalgie, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'en empêcher. C'est à Baël, à Calypso, sans nostalgie. Je voudrais juste dire à notre amie Carole qui est à Toulouse et qui m'a laissé un petit SMS, d'essayer d'écrire les SMS de manière distincte parce que les hiéroglyphes n'ont pas été encore traduits. Et j'avoue que là, c'est ce qu'on vient de recevoir. Un joli hiéroglyphe, illisible. Mais merci, j'ai joli, juste salut hier à la ville. Voilà, c'est tout ce qu'on arrive à lire du côté de Toulouse, la ville rose. On vous embrasse, Carole, merci. Bis à Myriam également et à tous ceux qui nous laissent des messages. Qui nous laissent des messages, tu as raison. Et la musique, me direz-vous. Téléphone dans une seconde et Ivan et Photonovella. Nostalgie et France 2 présente Grease, à partir du 8 octobre au Théâtre Comédia à Paris. Revivez l'époque des coiffures gominées et des airs de jukebox de Grease. Dany, Sandy et leur bande reviennent en musique et en chanson. Inspiré du film culte Grease, le musical électrisant, à partir du 8 octobre au Théâtre Comédia à Paris. Un événement nostalgie. Réservation au 01 42 38 22 22 et nostalgie.fr. Des problèmes de cœur? Vous ne savez pas si il ou elle vous aime. Beaucoup de questions se bousculent dans votre tête et personne pour y répondre. Des voyants vous donnent des réponses claires au 0892 230 250. 0892 230 250. Pour tout savoir sur votre avenir et votre vie affective, 0892 230 250. Appelez les meilleurs voyants du moment. 0892 230 250. 0892 230 250. Nostalgie. Belle vue sur la ville tombée. Mangé par la technologie. Ces hommes au couteau tiré. Sans pas. il n'y a pas de route. Gardez les 80 miles à l'heure, c'est toujours tout droit. Écoutez, c'est Classique 80 sur Nostalgie. Avec Roger Rabbit ce soir. Oh, comment ça va, Roger? Vous voyez? Calmez-vous, calmez-vous. Je ne savais pas où était votre bureau. Mais... alors j'ai demandé au marchand de journaux, il ne savait pas. Alors j'ai demandé aux pompiers, à l'épicier, au boucher, au boulanger, aucun d'eux ne savait. Ah. Mais le petit caviste, lui, il savait. Bon bah ça tant mieux. Dites-moi, Jessica, il paraît ça fait picoti-picota, mais pas avec vous apparemment. Pas ma Jessica. Bah si. Pas picota. J'ai peur. C'est impossible. Mais je ne le crois pas, ça ne se peut pas, Roger. Ça n'est pas possible. Roger. Jessica est ma femme. Allez Roger, Roger, calmez-vous, calmez-vous. Tenez, prenez un verre. Voilà, ça va mieux là, hein? Je peux vous faire les étoiles, regardez. Roger. Regardez. Aïe, aïe. Regardez. Non, Roger, Roger. Aïe, aïe, aïe, aïe. Redonnez-lui un verre d'eau parce que là, ça va pas aller mieux. Je mets juste de l'eau, hein, si c'était possible. Mais allez, merci, à tout de suite. Merci. Et je vous en prie. J'en avais besoin. Car l'amour m'est venu par hasard. quand je suis monté dans sa Jaguar. Maintenant je me fais traiter de pédé pour faire plaisir à ma poupée. Pour les vacances, elle veut qu'on aille à Saint-Tropez. J'ai des amis qui paraît-il sont très pop. Non seulement j'ai plus un copain, mais en plus faut que je me fasse les siens. J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. L'amour m'est revenu par hasard. Elle est marre de cette nana-là sur Nostalgie. Une pause et on revient. Des chansons éternelles. Ne me quitte pas. Un artiste de légende. Finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. Il y a 30 ans, il nous quitte. Ce week-end, écoutez les témoignages de ceux qui l'ont connu et qui l'a influencé dans le week-end spécial Jacques Brel. Je n'ai vu qu'une fois sur scène, en fait, et c'était dans L'Homme de la Mancha. Week-end spécial Jacques Brel sur Nostalgie. Mais j'avoue que j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme, c'est un fou. Le plat pays. Et pendant 15 jours, écoutez toute sa légende sur Nostalgie Chanson Française de Nostalgie.fr. Allez, bonsoir tout le monde. Il est 22h. Il est 22h. Ah. Et je laisse les commandes d'Hélico Presto à monsieur 850 000 volts. Ouais. L'homme à la chevelure rare et mal plantée, mais qui a une frite en fer. Pas vrai. Ladies and gentlemen, Marc Merci d'être avec nous, c'est Classique 80, l'émission culte. On parlait tout à l'heure d'une certaine année, notamment l'année 1985, avec celui qui était passé du petit écran aux folies du show business, artistique, musical, de tout ce que vous voulez. C'est Al Corley avec Cold Races. Et puis j'avais parlé aussi de Square Rooms. C'est avec ça qu'on va redémarrer cette nouvelle heure de légende dans Classique 80. Classique 80 sur Nostalgie, de 20h à minuit. Classique 80 sur Nostalgie, l'émission qui bouleverse l'espace-temps musical. Un certain rythme derrière qu'on connaît bien. Ça sent le beat it de Michael Jackson, ça. Billie Jean. Billie Jean, Billie Jean, autant pour moi. Celle qui célébrait son anniversaire aujourd'hui, 61 ans, c'est France Gall. On a fait un petit clin d'œil tout à l'heure avec quelques grands titres de France Gall. On écoute l'un des titres phares aussi de sa carrière et que vous connaissez, que vous avez chanté Fredonémy mille fois. France Gall arrive dans Classique 80 avec Babacar. s'arrête. J'ai des mouvements de colère sous le troisième millénaire. Tout casser, tout refaire. Dans ses rêves qu'un homme trouve la liberté. Cela fut et restera la vérité. Tout comme écouter Classique 80 sur Nostalgie, l'émission libre sur les années 80. Like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame down. I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling. divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your. Ghost to Hollywood, MGTH et The Power of Love, voilà qui rappelle de bons souvenirs à la pieuvre. Le salaud, le mec qui retourne. Ça, ouais, t'as raison. Dans 10 minutes, le Maxi 45 tours, mes enfants. Et puis tout à l'heure, il y aura le tube du grenier de Pépé, encore avec une personnalité de nostalgie qui nous a suggéré 3 titres. Un animateur qui s'est dit, tiens, voilà la programmation que moi je propose dans Classique 80. À vous de déterminer quelle est la chanson que vous voulez écouter en intégralité à 23h30. Ce sera donc pour tout à l'heure. Le Maxi 45 tours, où est-il? Oh, qui fond dans la bouche mais pas dans la main, sauf si vous le gardez dans la main trop longtemps. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Oui, non, c'est ça. Je n'en dirai pas plus, c'est un petit biscuit fondant. Eurythmics avant cela et les partenaires particuliers sans nostalgie. Bonjour, I'm Tina Turner on Nostalgie. Nostalgie et M6 présentent Tina Turner en live. Hit après hit après hit. Retrouvez Tina Turner sur la scène de Bercy les 16 et 17 mars 2009. Renseignements et locations, points de vente habituels et nostalgie.fr. Tina Turner en concert. Un événement nostalgie. Gaz de France Provalis propose des solutions énergétiques personnalisées aux professionnels et aux entreprises. Personnalisées ? Ça m'intéresse parce que moi je gère plusieurs copropriétés et je veux que mes clients paient seulement ce qu'ils consomment. Alors proposez-leur l'offre gestion énergétique responsable pour répartir les charges de chauffage collectif en fonction des consommations réelles de chaque logement. Appelez votre interlocuteur Provalis au 0811 01 5000. Prix d'un appel local depuis un poste fixe. Gaz de France Provalis, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Astrologie.com a sélectionné une équipe de voyants et médiums à votre écoute au 08 92 26 7000. Amour, travail, argent, des réponses claires 24 heures sur 24 au 08 92 26 7000. 08 92 26 7000 parce que savoir avant, c'est important. Également par SMS en envoyant Astro au 74 700. MTE, 35 centimes plus prix de la SMS. Moi, je dis que c'est du lourd. Écoutez Classique 80 sur Nostalgie. Sweet. Mix, Annie Lennox, Steve Stewart et Sweet Dreams sur Nostalgie. Ça n'est pas un rêve, oh non, c'est bien la réalité. C'est l'heure du Maxi 45 Tours qui arrive à cette heure-ci. 22h30, ça fond dans la bouche et dans la main. Et dans la main aussi, hein, ce petit Mikado. Ce petit bâtonnet chocolaté. Oui, mais le principe, c'est que ça fonde dans la bouche, pas dans la main. Oui, on est d'accord. Mais on va pas faire la promo non plus du gâteau, mais là, c'est plutôt du groupe. C'est aussi, ouais, le groupe. Mais c'est aussi le nom d'une, d'un petit biscuit chocolaté. C'était celui du nom de groupe, Mikado et Naufrage en hiver, en version Maxi 45 Tours. Après Taï Nana, voici ceci. Je roulais dans tes doigts. jeu de 20h à minuit. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time Beds are burning sur Nostalgie. Nostalgie présente Nostalgie classique 80, l'intégrale. La compilation officielle de Classique 80, votre émission culte. Voyage, voyage. Revivez vos meilleures années, 5 CD, 100 tubes de légende et tous les artistes qui ont créé les mythiques 80s. Nostalgie Classique 80, enfin l'intégrale avec Nostalgie. Le 3218 par téléphone ou en appel 3G, c'est le numéro court de tous les bons plans. Sur le 3218,

déjà bien roulé ma bosse. Et j'en ai vu des pays et des gens. Mais je n'avais encore jamais entendu une émission comme Classique 80 sur Nostalgie. Shout sur Nostalgie, vous êtes dans Classique 80 avec tout à l'heure à partir de 23h30 le fameux tube du grenier de Pépé, la sélection d'un des membres de l'équipe et notamment on a eu du mal à la canaliser quand même. Hein. La reine au camping-car. Ah, la reine au camping-car, celle qui subit toujours les affronts de l'élection de t-shirt mouillé. Oh là là, et croyez-moi, elle sait de quoi elle parle, c'est notre amie Roberta. Roberta que vous retrouvez tous les matins avec Olivier Pin et Léa, bien sûr. Alors sa sélection musicale pour le tube du grenier de Pépé, trois tubes, voici ce qu'elle a choisi. Bah tu penses. Brosse. Elle a choisi Jimmy Somerville. You make me feel. Et Mylène Farmer. Ça m'étonne pas de Roberta, ça. Voilà. Alors, à vous de nous dire quelles sont les chansons que vous avez envie d'entendre. La sélection de Roberta pour le tube du grenier de Pépé avec les brosses. Avec Jimmy Somerville. Et avec Mylène Farmer. Vous votez par SMS ou par mail. D-E-D-I, un espace, votre message. 1, 2 ou 3. 1 pour les brosses de Jimmy Somerville. 3, Mylène Farmer. Le tout au 61-345. Et vous votez également par mail. Hein, nostalgie.fr. Le verdict dans un petit peu plus d'une demi-heure dans le tube du grenier de Pépé. Ça se passe comme ça tous les soirs sur Nostalgie à 23h30. Can't stop. Steve, Every Time You Go Away sur Nostalgie. 23h. Avec Marc Leval et Révif dans Classique 80 sur Nostalgie. Oui, ça vous donne envie de faire picotin en écoutant ça. Avec la voix de Roger Rabbit, évidemment, et le film sorti en 1988. Hein, au passage, on rendra un petit hommage d'ailleurs à ce film réalisé par Robert Zemeckis. Entre autres, on en parlera peut-être demain, tiens, pour l'année 1988. Il y a à 23h30 le tube du grenier de Pépé. Pour l'instant, c'est une grosse majorité de votes d'avance pour les brosses. On en reparle dans un instant. Classique 80 sur Nostalgie. Honey, move on now. classique 80 sur Nostalgie, il n'y a pas à dire. C'est toute mon époque, ça. See you. soir, du lundi au vendredi, de 20h à minuit, faites comme moi. Écoutez Classique 80 sur Nostalgie. Nostalgie. J'écoute Classique 80. Je voyage dans le temps sans risque. Watching you. Yeah, I know you wanna get. Classique 80 sur Nostalgie. D'Albator à Goldorak, toute la galaxie nous écoute. Du volant, je vous écoute toujours en voiture. chez. Propaganda, P-Machinery. Il est 23h30, c'est l'heure d'aller voir ce que Pépé nous a caché dans son grenier. Les enfants, ça ne fait pas un pli. À part cette personne qui nous envoie un SMS en disant « Je voudrais pour le tube du grenier de Pépé, Covarea, avec nuit d'amour, nuit d'ivresse, nuit de magie, nuit de tendresse. » Non, c'est pas, c'était pas dans la programmation de Roberta. Est-ce qu'on peut réécouter les trois titres ou pas? Il le fait. Alors, la sélection de Roberta, que vous retrouvez tous les matins dans Happy Days. Bross. En choix numéro 2, Jimmy Cliff. Jimmy Somerville, n'importe quoi, Jimmy Cliff. Et choix numéro 3, Mylène Farmer, avec Sans Contrefaçon. Sélection. Choix numéro 1, les Bross, c'est When Will I Be Famous. C'est Roberta qui sera en forme dès demain dans Happy Day sur Nostalgie. Oh,

Des années 80. Took us when I hit the ground. In the black of dog, that's been beat too much. face to face in secret places, feel the chill. Sur Nostalgie, cette émission est déjà culte. Toutes les Son deuxième du plaisir.